2. Ma première expérience avec le grand logicien. Une fois, j'ai eu la chance de rencontrer en personne le professeur Augustus SFX van Dusen. La rencontre est née d'un événement singulier, aussi déroutant que dangereux pour moi. Il m'a sauvé la vie, en fait, et en me ramenant de l'éternité, le bord de cette brume épouvantable qui sépare la vie et la mort, j'ai eu toute l'occasion d'assister au fonctionnement de ce cerveau merveilleusement vif et froid qui a fait de lui le scientifique et le logicien le plus distingué de son temps. Ce n'est que plus tard que dans mon esprit, le professeur van Dusen endossa le surnom de la machine à penser. J'avais dîné à l'hôtel Teutonic. Au sortir de l'établissement, je pris un cigare dans ma poche, l'allumai et commençai à me promener dans Boston Common. Il était 8 heures passées d'une de ces soirées claires et ensoleillées d'hiver. J'étais près du centre du parc, sur l'un des nombreux petits chemins qui mènent à Beacon Hill, lorsque je ressentis une vive douleur à la poitrine, une fibrillation auriculaire et une constriction de la gorge. Les lumières au loin vacillaient avant de se faire lentement dévorer par l'obscurité. Une froide transpiration corrosive sourdait de chaque pore de ma peau, semblant ronger mon corps de l'intérieur dans sa fuite. Je me suis senti chanceler, mon cigare m'a échappé des doigts, je me suis agrippé à un banc pour ne pas m'écrouler. Il n'y avait personne autour de moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide, puis tout s'est assombri et je me suis effondré par terre. Mon dernier souvenir était celui d'une silhouette qui s'approchait. Les derniers mots que j'entendis étaient un ardent et irritable « ça alors !» Je perdis connaissance. Quand j'ai repris conscience, j'étais couché sur un canapé dans une pièce inconnue. Mon regard errait faiblement autour de moi et s'attardait avec un certain intérêt enfantin sur une demi-douzaine de points qui reflétaient de manière scintillante la lumière d'une ampoule électrique placée très haut sur un côté. Je me suis rendu compte après un moment que ces points brillants étaient l'éclat du métal de divers instruments de laboratoire. Pendant un moment, je restais allongé, sans défense, apathique, le pouls tremblant et les tympans battant, puis j'entendis des pas se rapprocher et quelqu'un se pencha pour me regarder dans les yeux. C'était un homme, mais un homme comme je n'en avais jamais vu auparavant. Une grande touffe de cheveux jaune paille tombant sur un large front haut, un petit visage ridé et grincheux, le visage d'un enfant âgé, une paire d'yeux bleus et larmoyants, lançait un regard agressif à travers des lunettes épaisses et une bouche fine comme découpée par le couteau d'un chirurgien, à l'exception des coins tombants. J'avais alors l'impression qu'il s'agissait d'une sorte d'hallucination, du caprice déformé d'un cerveau en désordre, mais ma vision s'est progressivement éclaircie et la prise de mon pouls par de maigres doigts m'a fait prendre conscience de la réalité de cette apparition. Comment vous sentez-vous ? Les lèvres minces s'étaient ouvertes juste assez pour laisser échapper la question. Le ton était dur et agressif, et la voix grinçait de manière désagréable. En même temps, les yeux, atteints de strabisme, étaient concentrés sur les miens avec un regard fixe et perçant qui me mettait mal à l'aise. J'essayais de répondre, mais ma langue a refusé de bouger. Le regard me transperça un instant encore, puis l'homme, la machine à penser, se détourna et prépara un breuvage à l'odeur particulièrement odieuse qu'il me versa dans la bouche. Ensuite, j'étais à nouveau perdu. Après un certain temps, des minutes, des heures, je sentis à nouveau la main sur mon pouls et encore une fois, la machine à penser me lança un regard noir. Une heure plus tard, j'étais assis sur le canapé, le cerveau détendu et le rythme cardiaque presque normal. C'est alors que j'ai appris pourquoi le professeur van Dusen, homme de science éminent, avait été surnommé la machine à penser. J'ai compris de visu à quel point les confusions matérielles étaient si parfaitement dissipées par une logique pure et infaillible. Rappelez-vous que j'étais entré dans cette pièce comme une chose inanimée, inerte, inconsciente, pour ainsi dire mentalement et physiquement mort, à tel point que j'étais incapable de bredouiller quoi que ce fût d'intelligible. Et souvenez-vous aussi, s'il vous plaît, que j'ignorais totalement ce qui m'était arrivé, à part le fait que j'avais perdu conscience. La machine à penser ne posa pas de questions, mais il fournit tous les détails manquants, ainsi qu'une foule de choses personnelles et intimes dont il n'aurait pu personnellement avoir aucune connaissance. En d'autres termes, j'étais un problème absconse et il m'avait étudié, déchiffré et solutionné. Avec la tête penchée en arrière contre le coussin de la chaise, et quelle tête ! Les yeux toujours tournés vers le haut et les doigts pressés les uns contre les autres. Il resta assis là, une étrange, une grotesque petite figure au milieu de ses instruments de laboratoire. Pas un instant, il ne manifesta le moindre intérêt envers moi. Tout était comme si j'avais une énigme écrite sur une ardoise, puis effacée une fois résolue. « Est-ce que cela vous est déjà arrivé auparavant ? » demanda-t-il brusquement. « Non, » ai-je répondu. « Que m'est-il arrivé ?»« Vous avez été empoisonné, » dit-il. « Le poison était mortel. Sublime et corrosif, chlorure de mercure. Le choc a été sévère, mais vous irez bien dans... « Empoisonné ?» Je me suis exclamé ahuri. « Qui m'a empoisonné? Pourquoi ?»« Vous ?» répondit-il d'un ton interrogateur. « De par votre propre négligence ?»« 9 personnes sur 10 manipulent du poison comme s'il s'agissait de bonbons, et vous n'êtes pas différent des autres. »« Mais je n'ai pas pu m'empoisonner, » protestai-je. « Pour la simple raison que je n'ai pas eu l'occasion de manipuler de poison. »« Pas depuis fort longtemps. »« Je sais, » dit-il, « votre manipulation date d'un an, mais le sublime et corrosif est toujours dangereux. »« Le ton m'a irrité. » L'arrogance impassible du petit homme a enflammé mon cerveau embrumé, et je ne suis pas sûr de ne pas avoir secoué mon doigt devant son visage. « Si je me suis empoisonné, » déclarai-je avec un peu de chaleur, « ce n'était pas de ma faute. Quelqu'un me l'a donné. Quelqu'un a essayé de... »« Vous vous êtes empoisonné ?» dit à nouveau la machine à penser, avec impatience. « Vous parlez comme un enfant. Comment savez-vous que je me suis empoisonné ?»« Comment savez-vous que j'ai déjà manipulé un poison ?»« Et comment savez-vous que c'était il y a un an, si tant est que cela soit vrai ?» La machine à penser me regarda froidement un instant, puis ses yeux étranges se dirigèrent à nouveau vers le haut. « Je connais ces choses, » a-t-il dit, « tout comme je connais votre nom, votre adresse et votre profession, grâce aux cartes que j'ai trouvées dans vos poches. Comme je sais que vous fumez, d'une demi-douzaine de cigares sur vous, de même que je sais que vous portez ces vêtements pour la première fois cet hiver, tout comme je sais que vous avez perdu votre femme en quelques mois, que vous avez gardé la maison, et que votre maison était infestée d'insectes. Je sais comme je sais tout le reste. » Selon les règles de la logique incontournable. Ma tête tournait, je le regardais avec stupéfaction. « Mais comment savez-vous tout ça ? » insistai-je, ahuri. « Le citoyen ordinaire actuel, » a répondu le scientifique, « ne sait rien à moins que cela soit écrit et mis sous son nez. Je suis médecin. Je vous ai vu tomber, et je suis allé vers vous, penchant tout d'abord pour un problème cardiaque. Votre pouls m'a prouvé que ce n'était pas cela, et que ce n'est évidemment pas une apoplexie. Dès lors, il n'y avait aucune raison visible pour que vous vous soyez effondré ainsi. Il n'y avait pas eu de coup de feu, pas de blessure, donc poison. Un examen a confirmé cette première hypothèse. Vos symptômes ont montré que le poison était du chlorure de mercure. Je vous ai mis dans un taxi et vous ai amené ici. Étant donné que vous n'étiez pas mort, je savais que votre système n'avait absorbé qu'une quantité infime de poison. Une quantité si petite qu'elle démontrait instantanément qu'il n'y avait eu aucune intention suicidaire, et indiquait également que personne d'autre ne vous l'avait administré. Si c'était vrai, je savais, je n'ai pas deviné, je savais que l'intoxication était accidentelle. Quelle sorte d'accident ? Ma première hypothèse, naturellement, était que le poison avait été absorbé par la bouche. J'ai fouillé vos poches. Les seules choses à mettre dans la bouche que j'ai trouvées, ce sont les cigares. Ont-ils été empoisonnés ? Un test a démontré qu'ils l'étaient tous. Par intention criminelle ? Non, la dose était trop faible. Le poison était-il dans la gomme, utilisée pour lier le cigare ? Possible, bien sûr, mais pas probable. Alors quoi ? Il baissa les yeux et me jeta un coup d'œil agressif. Je secouai la tête et après coup, refermai ma bouche béante. Peut-être que vous portiez un sublimé corrosif dans votre poche. Je n'en ai trouvé aucun. Mais peut-être l'avez-vous porté une fois. J'ai déchiré la poche de la veste dans laquelle j'ai trouvé les cigares et les soumis au test. À un moment, il y a eu du sublimé corrosif sous forme de poudre de cristaux dans la poche, et une manière ou d'une autre, peut-être à cause d'une imperfection dans l'emballage, une petite quantité s'est retrouvée dans votre poche. Voici une réponse à chacune de vos questions. Et plus encore, voici comment les cigares ont été empoisonnés. Grâce à l'étiquette du tailleur dans votre poche, j'ai reconstitué une courte histoire de votre vie. En bref, les choses se sont déroulées ainsi. Vous avez mis un sublimé corrosif dans votre poche. Dans quel but ? Première pensée, débarrasser votre maison des insectes. Deuxième réflexion, si vous habitiez une pension, marié ou célibataire, la tâche de vous débarrasser des insectes aurait été laissée à la servante. Et cela aurait peut-être été le cas également si vous habitiez une maison. J'ai donc supposé un instant que vous conserviez une maison et que, si vous conserviez une maison, vous étiez marié. Vous aviez acheté le poison pour chez vous. Maintenant, sans aucun effort, je savais que vous étiez marié et conserviez une maison. Alors, l'étiquette du tailleur avec votre nom et la date à laquelle vos vêtements ont été confectionnés il y a 1 an et 3 mois. Ce sont des vêtements d'hiver. Si vous l'aviez porté depuis que le poison était en vrac dans votre poche, il vous serait déjà arrivé ce qui vous est arrivé ce soir, mais cela n'est jamais arrivé auparavant. Par conséquent, je suppose que vous avez transporté le poison au début du printemps dernier, lorsque les insectes ont commencé à poser problème. Et immédiatement après, vous avez déposé la combinaison jusqu'à cet hiver. Je sais que vous portez le costume pour la première fois cet hiver parce que sinon l'accident de ce soir se serait produit avant. Et aussi à cause de la faible odeur des boules antimites. Une bande de crêpes sur votre chapeau, la photo d'une jeune femme à votre montre et le fait que vous vivez maintenant dans votre club, comme le démontre votre facture du mois dernier. De là, on découle sans aucun doute que vous êtes veuf. « C'est parfaitement incroyable !» m'écriai-je. « Logique, logique, logique !» enchaîna le petit scientifique irritable. « Vous êtes avocat. Vous devez connaître la corrélation des faits. Vous ne devriez savoir que 2 et 2 font 4, pas seulement parfois, mais tout le temps. »